voici l'humeur de Guillermo Gris. Ah, j'adore. C'est chouette. En pleine bonne ambiance, bonne et tout, ambiance. C'est cool. Ça va les amis, vous allez bien? Ça va tout, on est un peu chaud là. C'est chouette. D'ailleurs, je sais qu'il faut que, je m'exprime publiquement sur la question, donc oui, je vais couper court à la rumeur. Il m'arrive de lire le Figaro, madame. Alors, voilà, prends Saint-Michel Sardou, on a la virilité qu'on peut. Eh bien, bien m'en prend justement, parce que figurez-vous, hier j'ai lu dans ce magazine un article qui pourrait parfaitement révolutionner la vie de cette équipe ici, au carrément. Tête de table. Absolument. Et je vous connais avec cette espèce de vivacité d'esprit qu'on vous envie dans la plupart des cimetières de France. Vous allez me dire, ça parle de quoi, ça parle de quoi? Eh bien, d'un livre qui va bientôt sortir en France, qui s'appelle Plan B, ou Comment retrouver des forces face à l'adversité, de Sheryl Sandberg, qui est la directrice générale de Facebook. Alors Facebook, pour nos auditeurs les moins en phase avec le concept de 21e siècle, c'est une espèce de feuille bleue comme ça qui apparaît sur un ordinateur personnel quand vous allez sur une sorte de plateforme internationale qu'on appelle World Wide Web, en gros c'est un truc virtuel, enfin, ça te permet de... Enfin voilà, bref, tant pis, je vais prendre le risque d'être excluant avec l'essentiel de nos parts de marché. Ça permet d'avoir des amis, des vrais. tout ce que vous devez savoir de Facebook, c'est que c'est une très grosse boîte, l'équivalent de Radio France, mais avec des gens heureux dedans. Et justement, c'est un peu le propos du livre. Après un drame personnel assez terrible, la numéro 2 de Facebook a décidé d'écrire cet ouvrage dont le message le plus original est « N'hésitez jamais à partager vos difficultés personnelles sur votre lieu de travail ». Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est tellement ça qu'il nous faut dans la bande originale, nous ouvrir les uns aux autres, quand on pue tellement tous la misère émotionnelle ici, autour de cette table, en coulisses, derrière le piano, tout le monde a tous à gagner, à se confier plus les uns aux autres. Nagui par exemple, qui est toujours si tendu, il est toujours si tendu en arrivant parce que son personnel de maison ceci, son personnel de maison cela, et j'aurais jamais dû acheter une Lamborghini, boîte de vitesse de merde, etc. Laisser j'en cuire, ça me fait transpirer le périnée, et moi c'est moi qui aurais dû reprendre la matinale à la place de Cohen, ce traître, etc. Ça, la seule vérité. Je peux comprendre, on a tous nos emmerdes, etc. Mais au lieu de parler tout seul dans votre bureau comme Valéry Giscard d'Estaing, ouvrez-vous à nous. On est une équipe. Pareil, Leïla. Je sais que vous avez des problèmes avec votre vie personnelle, parce que depuis votre rupture avec l'auteur Chilo, Austro, Bulgaro, Moldavo, Tataro, Breton, Illich, Horst, Mendev, Petroche, Milinkovic, de Flock, de Flic, de Bilbonek. Tout ça pour une bête histoire de désaccord, finalement, sous le rejet de en fin de phrase du subjonctif dans le roman traditionnel bédouin. Enfin voilà, la goutte d'eau, le truc, la dispute de trop. Je vous entends arriver ici en disant oh, j'en peux plus de la bande originale. Sont tous plus limités les uns que les autres, vive ma vie de chroniqueur TPMP, etc. Et c'est moi qui aurais dû reprendre la matinale à la place de Cohen, ce traître. Eh bien, c'est vrai. Ouvrez-vous à nous, Leïla. Pareil pour Albert Algou, même combat, lui aussi il a ses ennuis. Parfois il a du mal avec ses différents personnages. Là, j'ai dedans, il fait des confusions, quoi. Le soir, il traîne dans les backrooms déguisé en maréchal Ganache. Le jour, il va fleurir le soldat inconnu dans son costume de François François. Et ça te brise un homme à l'achage, finalement. Parlez-nous, Albert. Ce qui est arrivé tout à l'heure. Exactement. Pareil pour Daniel Morin, je dis pas qu'on va pouvoir résoudre tous vos problèmes d'hygiène, je dis juste. Quand vous ouvrons un peu à nous, on peut donner un coup de main, quoi. Qui a un gel douche aux fruits, qui a un gant de toilette, qui a un coton-tige. Mais pour nous, c'est 5 minutes au monop, quoi. Mais il faut qu'on le sache, il faut en parler pour ça, communiquer. Merci. Alors, quant à moi, j'ai décidé aussi J'ai décidé de vous parler de mes difficultés personnelles, puisqu'aujourd'hui, vous n'êtes plus simplement mes collègues, vous êtes surtout des connaissances. Je voulais vous dire que ça me fait mal au bide de jamais avoir été accepté dans cette équipe, quoi. Alors que j'ai tout fait. J'ai fait tout ce que vous me demandiez. Nagui, j'ai fait vos 6 mois de chronique gratuite. Leïla, je voulais trouver ce code civil bosnien, là, en peau de chevrette. Vous rêviez. Albert, je l'ai faite, cette tournée des bois chelous là, dans votre camionnette bâchée cuir qui fait chambre froide pour touristes russes et salle de squash pour escaper de la fistinière. Et vous, Daniel, combien de fois je dois vous sortir pas de publicité. De cellules de dégrisement pour mériter un peu d'amitié? Combien de fois? Et pourtant, ici, je serai toujours l'étranger. Mais je continue à croire que ce serait bien qu'on se parle plus, les amis. Allez, bonne émission. Merci, Guillaume. Merci, Guillaume. La bande originale.